des pirates informatiques, un méchant skater, de la dance music. Cette semaine, on a maté Hackers et on en parle tout de suite. Alors, ma flamme, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Un tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu cette semaine consacrée à Hackers de Yann Softley. À mes côtés pour en parler avec moi ce soir, Mickaël. Bonsoir Mickaël. Et bonsoir Antoine. Comment ça va Mickaël? Après ce film, ça va vraiment au top. Oui, c'est pas mal. À tes côtés, Mickaël, Greg. Bonsoir Greg. Bonsoir. Ça va Greg? Ouais, ça va. Des notions d'informatique suffisantes pour comprendre ce film? Eh ben ouais, parce qu'il parlait que de cartes PCI ou des trucs comme ça, du coup ça va, j'ai plutôt compris quoi. C'est relativement et easy. Et de RAM. Donc ça allait quoi. Et ce soir, nous sommes que trois, malheureusement. Enfin, il y a Bichris. On l'avait oublié, c'est vrai, il y a longtemps qu'elle n'était pas venue. Ouais, c'est vrai. Car la personne qui devait nous rejoindre s'est prise une cuite monumentale. Il faut le dire, et elle nous a planté. Merci. On donnera pas de nom, hein. On donnera pas de nom. On remercie. On va quand même avoir ses anecdotes. Cette semaine, on parle de Hackers de Yann Suffley, sorti en 1995 de 107 minutes avec Johnny Lee Miller. Sorti en 95, il n'a pas pris une ride. Et Angelina Jolie. Et pour ceux qui ne se souviennent pas et qui parlent anglais, ça ressemblait à ça. They can crack any code. Inside any system. Hello? Mr. Gill, according to our records, you're dead. I'm what? But this time... Come here, look at this. Some kind of virus. Unless $5 million is transferred to the following account, I will capsize 5 oil tankers. They just hacked the wrong guy. Game's over. Whoever wrote this needs somebody to take the fall. He's about to commit the perfect computer crime. You created a virus. Voilà. Donc, Ça me rappelle à quel point j'ai passé un bon moment. Donc là, si vous n'avez rien compris à la bande-annonce, c'est normal. On ne comprend rien au film non plus. C'était, et le problème, c'est qu'il va falloir le résumer. Alors, c'était un... C'est un défi. Hein. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas maté un film aussi pourri. C'est vraiment un chier. Alors là, c'est vraiment 2 heures de perdu, pour le coup. Non, ça dure qu'une heure. Mais ça dure qu'une heure 45. C'est un film qui a été proposé par un auditeur. Par qui? Tu peux nous redonner son nom, parce que... Izura 21, c'est sans doute un japonais dijonais. Merci Izura. Il en a qu'une chance, hein, c'était ton seul film. Ah non, il leur proposera pas deux, lui. Hein. Je leur tiens. Non, mais ceci dit, il est rentré vraiment dans le truc. Hein. Il a bien joué le jeu. Alors, c'était à chier, mais hein, vraiment. De 95, comme tu dis, ça n'a pas pris de rythme. Ça a vraiment pas mal vieilli. Qui c'est qui résume l'histoire? Là, on va en avoir besoin quand même. Moi, j'ai bien envie que vous m'aidiez quand même. Alors, ouais, on va te détecter. Alors, ça commence au début, il y a un petit jeune, on se rend compte que c'est un hacker, il fait déjà du hacking à 8 ans, il hack des ordinateurs. Oui, bah oui, qu'est-ce que tu veux? Le FBI, je crois. Enfin, ouais, ou au moins un truc un peu. Il fait un truc vraiment un chaud. Un peu sérieux, quoi. Il pirate les systèmes informatiques de 1500 organismes. 1507. Putain, quelle mémoire. Merci. Après, j'ai oublié tout le reste, mais. Et il va déménager avec sa maman parce qu'il a vieilli et puis hop il va à New York et il va dans un... Attends, ce que t'as pas dit déjà c'est qu'il se fait arrêter en fait par le FBI, enfin ou par la police. Ouais, il se fait arrêter et donc il a plus le droit de toucher un ordinateur jusqu'à ses 18 ans, un truc comme ça. Voilà, c'est ça. Enfin, c'est très précis. Ça c'est juste l'intro du film. Ouais. Et donc il arrive à New York et là il est au lycée et il rencontre, coup de malchance, dans son lycée il y a des hackers aussi. Ouais. Et dont une nana qui est plutôt pas mal, qui s'appelle Angelina Jolie, qui est hackeuse. Bah qui porte pas très bien son nom, moi je la trouve pas très jolie pour le coup. Ouais, c'est ses premiers films. Ouais, elle est bizarre. Et on va revenir sur tous ces personnages. Hein. Ouais. Et donc, il rencontre ses hackers, il se fait pote avec eux. Et il y a un méchant hacker qui veut... Là, j'ai pas bien compris, en fait. Moi, il y a le méchant en skate. Alors, en fait, le truc, c'est qu'il s'amuse à hacker des systèmes informatiques. Et il y en a un pour montrer qu'il est un bon hacker à ses nouveaux copains. Qui va hacker le système... Les gars, on a tous fait ça en terminale, non? Il va hacker le système informatique d'une grande société de pétrole, en fait. Ouais. C'est ça. Et il va copier des fichiers, en fait, qui sont tenus secrets, sauf que ces fichiers contiennent... C'est peut-être un peu précis là comme truc, hein. On peut juste dire qu'en gros, il y a juste un méchant hacker qui est directeur de la surveillance de cette compagnie. Voilà. Et il va faire une bataille. Lui, voilà, lui fait une rançon à milliard de dollars et il a piégé les hackers lycéens. Ce qu'il faut expliquer, c'est que le lycéen qui piège la société de pétrole, en fait, il copie des fichiers qui sont ultra secrets et qui sont hyper compromettants pour le méchant hacker de la société, justement. Et donc, il va se mettre de mèche avec le FBI pour arrêter, enfin pour récupérer la disquette en fait, parce que lui il est dans la merde, parce qu'en fait il arnaque des gens ou je sais plus. Mais c'est... Ouais. Disons qu'il essaye de mettre des disquettes aux gens lui-même. Ouais. Ouais. Bon, c'était vraiment là, ça commence sur les chapeaux roux, hein, cet épisode. Oui, pour le coup, bon, ouais. Parce qu'on a perdu 20 minutes et vous n'avez rien compris. Le film, donc, rien dit non plus, quoi. Hein, mais je vous ai laissé dans la merde. Le film s'ouvre on l'a dit, Seattle en 1988 avec cet enfant de 11 ans. Il a 11 ans exactement. Ouais. Donc, flashback, ralenti, noir et blanc. Il s'appelle Zero Cool, c'est son nom Zero de hacker. Zero Cool, c'est son pseudo. Ouais. Il a une intelligence supérieure puisqu'il va hacker 1507 organismes américains. Il va mettre dans la merde tout le pays. Il a y compris 11 ans. La bourse de Wall Street, c'est quand même. C'est ça. Il a 11 ans, il est en costume au tribunal et la sentence tombe, il est privé de téléphone. Non, c'est ça, en plus, c'est plus d'ordinateur et plus de téléphone jusqu'à 18 ans. Et plus de mousse au chocolat. Ça, c'est quand même enfin, ça vient de quelque part, c'est que les hackers au début, il y a quel téléphone. Ah oui, je pense qu'on va faire un point technologique, c'est qu'en fait, on est en 95, il y a à peine Internet. Donc, il y a quand même plein de choses dans ce film qui ne sont pas trop possibles. Mais voilà, donc il est privé de téléphone jusqu'à ses 18 ans. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, si sa mère oublie d'aller le chercher à la sortie du foot, ben, il ne peut pas l'appeler. Quoi. c'est vraiment galère. En même temps, personne n'avait de cellulaire à l'époque non plus. Hein. Donc, on est 7 ans plus tard, à New York. Et là, on le voit, il respecte pas ça puisqu'il est déjà devant son ordi. Il fait du hacking. Oui, mais il vient d'avoir 18 ans. Ouais. Donc il a le droit. Il n'a pas perdu entre temps. Et là, moi, ça m'a fait marrer. Ouais, parce il n'a pas perdu. Hein. Il appelle un officier ou un gars de la sécurité et dit oui. D'une télévision, d'un truc de télé. Ouais. Et bah, il s'est passé pour Eddie Vedder. Et Eddie Vedder, c'est le chanteur de Pearl Jam. Du coup, c'était un peu marrant. Voilà, c'est une anecdote. Pas recherché, tu vois. Moi, ce qui m'a fait marrer dans cette scène, c'est qu'en fait, il arrive à New York avec sa mère. Le lendemain, c'est la rentrée des classes, je crois. Donc sa mère lui dit comment il s'appelle d'ailleurs dans le film, son nom de Bobby. Je sais plus. Non, il s'appelle Dale. Je crois. Non. Dale. Enfin bref, elle lui dit le blond. Je serai pas trop tard. Hein. Et le mec fait ouais, non t'inquiète, je pirate juste une chaîne de télé puis je vais me coucher quoi. Et tu sais, sa mère, elle tilte pas. Attends, mais c'était pas pour ça qu'il avait eu des problèmes à 11 ans. C'est pas pour ça qu'on a payé 45 000 $. Et donc en fait, il va hacker une chaîne de télé. Alors dans sa chambre, il y a tout éteint sauf l'écran, sauf son écran d'ordi. Il y a un truc qui est marrant dans ce film, c'est que dès qu'ils sont devant un écran d'ordi, quand ils filment, ils ont un projecteur qui projette l'image de l'écran sur leur visage. Des reflets, c'est drôle. Mais du coup, ça devait être trop chiant pour tourner. Ça s'est plu à mort. Il s'était donné là-dessus. Ben, c'est pour ça qu'il a des lunettes de soleil. ça flash trop. Ils l'ont tourné 3 heures. Au bout d'un moment, il fait non mais les gars, je vois plus rien. Filez-moi des trucs. D'ailleurs, c'est à chaque fois qu'il hack aussi, c'est quand même super ésotérique ce qu'il y a sur les écrans. Il y a des équations qui volent dans tous les sens. C'est Star Wars. C'est un mélange de Star Wars et de Tron en moche. C'est l'enfer. Matrix aussi. Un peu du coup. Et là, il va hacker la chaîne de télé, je sais plus comment elle s'appelle. Et alors en plus, on est à l'époque des VHS, hein, donc en fait, il va juste choisir une VHS d'émission, machin. Ouais, et il va être confronté à un autre hacker, on ne sait pas encore qui c'est, qui s'appelle Acid Burn. et lui, son nouveau nom, parce que Zero Cool, c'est plus possible, on va le cramer. Ah oui, parce qu'il est connu. Son nouveau nom, c'est quoi déjà? Basique glacé, non? C'est pas ça. Connard, toi. C'est pas la peine d'inventer si tu l'as pas. Moi, je vais chercher, je l'avais écrit, merde. Je crois que c'est Fanfan la tulipe, non, c'est pas sûr. Crash, un truc. Ah oui, crash. A crash override. A crash override. Ouais. Ouais. Qui est vachement. Voilà. Et du coup. Là, le truc qui me fait marrer, c'est qu'il tape sur son clavier, il tape à 2 à l'heure. C'est bon, pour un hacker, c'est pas terrible. Moi, ce qui me fait marrer, c'est que le mec, 7 ans plus tard, enfin plutôt, 7 ans plus tôt, il se fait coffrer quand même pour hacking. Il se prend quand même une amende de 45 000 $. Et le type, il continue à pirater des chaînes de télé, tout ça pour regarder son programme préféré. Il peut pas loin un DVD, non? C'est moins risqué, non? Non, mais c'est vrai qu'en plus, il reprend des risques alors qu'il va gagner zéro thune là-dessus. Oui, quoi, tu vois, c'est pas non plus pour se mettre bien, quoi. Surtout qu'ils viennent à peine d'arriver à New York, comment ça se fait qu'ils ont déjà Internet? Je suis pas sûr qu'ils aient internet, hein. Donc le lendemain, il va au Il arrive au lycée. Il arrive au lycée. Donc déjà, trop cool, il est en roller. En roller. Il arrive au lycée en roller. Le roller qui est quand même un truc cool jusqu'en 1997, donc c'est encore possible. C'est encore cool à l'époque. C'est encore possible. Ce qui est marrant, c'est qu'il arrive au lycée et du coup, il est un peu paumé et il va demander son chemin au seul gars qui est occupé dans ce couloir. Parce que le gars, il est en train d'appeler au Venezuela. Et le gars prend du temps. Au début, j'ai sûr. Tu parles de Mimicicu, là. Au début, on sait pas trop que c'est un hacker, du coup, mais même si on s'en doute, et on se dit, le gars, il est en train d'appeler au Venezuela, ça doit lui coûter une blinde, et il répond quand même à l'autre. Bon, coup de chance, il était en train de. En plus, il lui dit, je me souviens à ce moment-là, il lui dit, tu vois pas que je suis en train d'appeler au Venezuela, là? Ça se voit à ta tronche. Un peu en même temps. Donc là, il y a Angelina Jolie qui prend contact avec lui parce qu'elle est, c'est elle qui est chargée de lui dire, ok, donc la salle de cours, elle est là, là c'est les toilettes, là faut que tu remplisses ce formulaire. Il y a le petit gag de la piscine. D'ailleurs, j'ai une première anecdote sur Angelina Jolie. Alors, en fait, alors, je conseille aux auditeurs d'aller voir les photos d'Angelina Jolie dans ce film. Ouais. En fait, elle venait de tourner. Cinquième élément. Non, elle venait. T'en es pas loin. En fait, elle venait de finir d'interpréter le capitaine Spock. Elle a pas eu le temps de changer de coiffure. Elle a un espèce de eyeliner rouge ultra vénère pendant tout le film. Ouais. Je fais un petit point maquillage. Ouais, c'est important. Et elle est pas terrible du tout. Non mais en plus ils sont tous en fringue, tu sais, technoïde tribe, des trucs où on n'a jamais vu des gens comme ça à part des gros dailles dans la rue, quoi, tu vois. Non mais c'est vrai. Bah, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont des tronches de festoche, hein, quand même. À un moment donné, en voyant les costumes et le méchant en skate qui arrive un peu plus tard, j'ai cru que c'était Retour vers le futur 2. Moi. Et du coup, elle lui fait la blague de la piscine, c'est-à-dire elle lui dit, ouais, si tu veux, sur le toit, lycée. Non, on a quand même pas refait. T'as fait un point coiffure, un point maquillage, mais pas coiffure de Angelina Jolie. Parce qu'elle a une espèce de coupe au bol complètement plaquée. Les cheveux noirs, ça vous a pas choqué ça, hein? Ouais, j'en étais plus là. Hein. on avance, hein, Miguel. D'accord, très bien, avançons. Donc, le gag de la piscine que je vais tenter d'expliquer, c'est qu'en gros, elle lui fait comme si. Tu vas vraiment expliquer. Explique. Allez, je l'explique pas, vous avez raison, on perd trop de temps. Si, moi je pense que c'est important d'en parler. Ok, donc du coup, elle lui dit, comme c'est un nouveau, elle lui fait donc voilà, ça c'est les toilettes, ça c'est la salle de cours, ça c'est machin, et sur le toit, il y a une piscine olympique. Donc lui, il va voir sur le toit, évidemment, c'est une porte qui ne s'ouvre que d'un côté. Donc il arrive sur le toit, la porte se referme, et il est tout seul avec tous les bisous. Et vous êtes fait avoir, il n'y a pas de piscine. Et par contre, il pleut parce qu'elle contrôle la météo visiblement. Non, mais ils sont très informés de la météo. Et donc voilà, il se fait mouiller en fait. Il se fait bisuter, quoi. Ouais, c'est une histoire dès le début. Ouais. Et je raconte ça parce que plus tard dans le film, exactement, voilà, c'est pour ça il va être très malin. Qu'est-ce qu'il va faire? Et ben, il va pirater le système d'arrosage incendie du lycée en fait. C'est ça, malin. Pour mouiller tous les autres. Quelle belle vengeance de hacker. Voilà. Ouais. Et alors c'est ultra stylé parce qu'il est dans le couloir et d'un seul coup il ouvre un parapluie, il regarde sa montre et hop, tout s'allume et tout le monde est mouillé. Et là il se passe un truc hyper bizarre, c'est que tous les élèves sortent de la classe en criant, en faisant n'importe quoi, mais ils ont pas peur, ils sont juste là, ouais, en jouant dans l'eau. Et potentiellement il y a un incendie dans le truc. Et les mecs ils sont à Aqualand, quoi. Et là, il y a un truc encore moins compréhensible, c'est qu'Angelina Jolie, elle fonce voir le man et elle lui fait... Qu'est-ce que t'as fabriqué? En même temps, c'est le seul qui a un parapluie. Donc comment elle peut savoir? Et pourquoi elle est vénère contre lui? Elle peut trouver ça rigolo ou cool. Là, elle est super vénère, genre putain, je suis mouillé, connard. Et comme je disais, c'est le seul qui a un parapluie, donc les soupçons peuvent quand même se porter sur lui. Ça, c'est sûr. Et il y a tout de suite des bails avec elle, parce que pareil, il est en cours et il a changé ses cours informatiquement à distance. Et elle. D'ailleurs, elle il commence à faire du hacking en plein cours. Informatique. D'ailleurs, ouais. C'est-à-dire que tout le monde peut voir son ordi. D'ailleurs, le mec de derrière le voit. Il est en train de changer. Limite, il est en train de changer ses notes. Tu vois, ou déjà d'entrer ses notes du semestre prochain. Tu vois. Mais genre normal devant tout le monde, quoi. Ok. Donc il se fait cramer. Et mais attends. Tu sais pourquoi il change? En fait, il pirate le système informatique du lycée pour se changer de classe, pour être dans la classe d'Angelina Jolie. Exactement. Et oui. Et voilà, je sais plus ce que je voulais dire. elle fait un scandale, c'était pendant un cours de citation, lui je sais pas, il est un peu hautain et elle fait ouais, il devrait même pas être là. Je sais pas comment on peut le savoir. D'ailleurs, ça c'était très amusant parce que Angelina, elle est en cours. Et le prof, il a zéro autorité, c'est-à-dire qu'en fait, il y a juste pour donner la réplique aux acteurs, c'est-à-dire qu'elle, elle s'énerve à mort, elle monte sur le bureau, elle lui arrache la feuille d'aimant en lui disant « Putain, mais il a rien à foutre là !» Et le mec, il dit « Il est sur ma liste !» Il se défend, tu vois, alors que c'est l'élève qui est en train de dresser le prof, ça n'a strictement aucun sens. Et surtout qu'il est sur sa liste, en même temps, si ça fait 6 mois qu'il donne des cours et qu'il l'a jamais vu, il peut se douter qu'il y a une erreur. Non, il est sur ma liste. C'est-à-dire que potentiellement, tu peux pirater le système et tu mets que des enfants de 5 ans, ils pourraient rien dire, quoi. Ah, bah, c'est sur ma liste. C'est sur ma liste. Bah, vous semblez être sur ma liste. Et là, donc... on voit déjà le méchant. Non, alors, ouais, moi, il y a un truc que je comprends pas, peut-être que vous allez pouvoir m'éclairer, c'est qu'en fait, il se rend compte. Enfin, il y a un peu la battle avec Angelina Jolie, même s'il sait pas que lui y a que vraiment. Et lui, il se fait pote avec les hackers et ça se fait vraiment une seconde, en fait. On se voit même pas. Ouais, en fait, il se fait pote avec les hackers parce qu'au moment, il pirate le système informatique du lycée. T'as Mimi Sicu qui est derrière, habillé tout en léopard, qui se retourne et qui voit qu'il a un hacker, tu vois. Donc, tout de suite, ils vont le voir, ils vont dire voilà, nous, on est un peu hackers. Ah, c'est ce que je viens de raconter et que j'avais pas compris, en fait. Mais t'es déjà allé aux States ou pas? Yes. Parce que c'est comme ça, c'est comme ça, les amitiés là-bas. En quelques jours, tu rencontres des hackers. Pourtant, il y a de la chance parce qu'au début, il était dans l'équipe des bisous sur le toit. Ah ouais, mais ça va très vite, tu sais. C'est une ascension, quoi. Ouais, il devient très vite. Exactement. Et donc là, rendez-vous est donné parce qu'ils vont se retrouver au bar. On se retrouve au bar. Alors, il a bien fait de venir en roller parce qu'il y a une piste de roller dans exactement. Le bar. Par contre, qui est vachement galère à remonter. Et par contre, si tu sais pas bien faire du roller, je te conseille pas d'y aller quand même parce que la descente elle est un peu vénère. Voilà, il faut quand même expliquer que c'est comme dans les parkings souterrains de voitures. En fait, il y a une espèce de rampe, de route en colimaçon et les gens descendent en roller. Il est jamais allé dans le bar, il fait direct un shoot. Potentiellement, il y a un angle mort total. Tu vois, derrière, il y a des tables. Tu peux vraiment faire te faire friter, quoi. Et là, tu retombes direct dans la caisse des bisous. Coup de chance, tombe pas. Ouais. Et en plus, il s'est joué aux jeux vidéo. Il tombe voilà sur Angelina Jolie qui joue à Wipeout. Ouais, c'est vrai, Wipeout 97. Non, 95, c'est ça du coup. Non, mais c'est une version modifiée, je crois, parce que ça me paraît vraiment étrange. On dirait que c'est ça. C'est les vaisseaux de Wipeout, mais ce qui se passe, c'est trop bizarre, quoi. C'est juste pas Wipeout non plus. En écran géant qui se joue avec deux joysticks, un dans chaque main, c'est-à-dire ça sert à quoi? On prend pas trop, tu vois. Et évidemment, elle bat le meilleur score, mais de toute façon, les 5 meilleurs scores, c'était elle qui l'avait. Et lui, il fait je peux essayer. C'était un truc d'un métier. Ouais, mais comme t'es une gonzesse, je vais t'éclater. Il joue et il bat son meilleur score. C'est incroyable. Hein. Moi, je le voyais pas venir. Je pensais qu'il allait perdre direct. Moi, j'ai eu un doute à un moment. Et après ça, donc, il retrouve ses quatre potes hackers. Est-ce qu'on peut les présenter rapidement? Donc, il y a le Scream. Il y a Mimi Sicu qui est là. Sicu, alors, lui, c'est qui est quand même. Mais les yeux loin, un peu transsexuel. Qui soit bien léopard. Ouais. Léopard total. Ouais. Il y a le mec qui a un mélange entre Mickey dans Tueur Né et Laura Ingalls. Ah oui, le déglingo là. Ouais, non, mais Serial Killer, c'est son nom de hacker. Serial Killer. Ouais, ça, c'est le gars du Scream. Et pendant tout le long du film, il a la bouche ouverte. Et dès qu'il se passe un truc, il fait. Insupportable. C'est celui qui a les t-shirts, on est d'accord. Les t-shirts de Lou Reed et tout. En fait, il a des espèces de couettes, enfin des espèces de nattes. Et puis des petites lunettes rondes roses. Non, mais en gros, voilà. On va dire les tresses. On va dire Monsieur Tresse. Pour ceux qui savent pas trop, c'est. Il y a le fumeur aussi. C'est celui qui vend des pastilles en festival. et oui, alors il y a celui qui a 12 ans et qui fume une clope dans chaque main. Non, mais non seulement il fume une clope dans chaque main, mais il en fume partout. C'est-à-dire qu'il fume dans les bars, il fume aux Alcooliques Anonymes, il fume n'importe où. Il fume en cours. Il les fume dans sa chambre. Donc voilà, là ils expliquent un peu les bouquins de hacking. Et justement, et ce gosse là, Joey, c'est le moment le où il va commencer à faire du hacking. Et là, on va avoir la première session de hacking. Il est dans sa chambre. En fait, ils le provoquent un peu. Ils lui disent ouais, grosso modo, faut que tu nous prouves que t'es un vrai hacker. Et c'est là qu'il va hacker le système informatique de la société de pétrole. C'est ça. Et non, je remets les choses à leur place. Hein, je peux faire. Du coup, voilà. Donc là, se lance dans une session de hacking. Donc le hacking, on va vous expliquer un peu près ce que c'est. Il tape pas très vite sur des claviers et juste ça fait un zoom dans l'écran d'ordinateur et dans l'écran d'ordinateur il y a un mélange de Star Wars et de Tron avec un vaisseau qui se balade dans les chiffres et voilà c'est ça le hacking, il est automatisé, c'est-à-dire que tu fais un truc et ça fait des animations sur ton écran, tu vois. C'est-à-dire c'est du pré ton hacking, il est pré-programmé pour que ça soit plus facile et que ça soit visuel, comme ça t'as plus qu'à cliquer une fois que t'as fait tes codes. Limite, alors, dans la scène de fin, le hacking il se fait avec deux joysticks. Je crois en plus. Mais ouais. Mais en fait, ce qu'on apprend dans ce film, c'est que la grande différence entre les hackers et le commun des mortels, c'est que les hackers savent que les mots de passe les plus utilisés sont God, Sex, Love, et je ne me souviens plus lequel c'est l'autre. Trans. c'est ça qui permet, c'est-à-dire qu'il essaye, et là il tape God, G-O-D, et ça y est, il est dans le système. Il est dans le système. Ouais. I'm in. En plus, c'est ça. Yeah, I'm in. Yeah. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Et ben il rentre, il va voler les fichiers, et là t'as le méchant hacker qui arrive en skate. Ouais, qui arrive en skate. Ouais. Alors le méchant hacker, pour ceux qui savent pas et qui connaissent Demain la Une, tu sais la série canadienne sur le mec qui recevait le journal du lendemain. Ah, je ne connais pas. Je le vois. Il y a que moi qui connais. Ouais, je connais. Ouais. Et ben en gros, c'est le mec de cette série-là. Et il arrive en skate avec pareil un look pas possible. Il m'a fait penser à plein d'autres méchants aussi. Il me fait aussi penser à Iron Man, tu vois. Et il arrive en skate, et là il se lance dans une baston de hacking. Alors lui, c'est encore plus fort, il a pas de clavier lui. Lui, il parle à haute voix dans l'écran. Lui, il parle à son écran, tu sais. Non, mais sa tour de contrôle de hacking, elle est ultra violente, quoi. Tu vois, t'as écrit, c'est ultra psychique. Ça m'a bien mais d'ailleurs, je pense qu'il y a moyen de faire une dépression quand tu travailles là-dedans à longueur de journée. Ouais, une dépression ou une crise d'épilepsie, parce que ça clignote partout, quoi. Et donc voilà, il va voler des fichiers, il va quand même se faire sortir du système, il va se faire cramer parce qu'ils vont le retrouver plus tard. Ouais. Mais il va quand même avoir le temps de voler la moitié des fichiers de la corbeille. La corbeille de la tour de contrôle de The Plague. C'est vrai que quand tu fais du hacking, le premier truc que tu vas chercher, c'est la corbeille, quoi. On sait jamais, quoi. Et du coup, ils se retrouvent là tous les petits hackers pour retrouver leur émission de télé favori. Ils ont qui c'est ce con afin de les utiliser pour leur propre c'est Richard Gill, l'ennemi numéro un des pirates. Merci. Dire un max. Oh, accrochez-vous, l'émission commence. Ah, oh, génial. Ça va être cool. Attrape. C'est quoi cette émission? 4, 3, 2, 1. Bonjour et bienvenue à notre émission. Pirater la planète. Pirater la planète. Ceux qui veulent tard, on conseille de boire. Voilà, ah, ça vous donne le niveau. Et franchement, pour le coup, par rapport au film, la VF est vraiment cool. Qui l'a vu en VF? La planète. Qui l'a vu en VF? Non, moi j'ai vu en VF. Non, moi j'ai pas vu. Moi je l'ai vu en VF. C'est vrai? Ah, j'ai pas trouvé, moi. J'ai pris un plaisir énorme. Moi, juste pour faire les extraits, j'ai entendu quelques morceaux, j'ai saigné du nez, quoi. C'était l'enfer. Est-ce que c'est déjà là qu'on a un petit montage où ils font tous du hacking et tout là? Non, parce non, qu'il non, y a eu plusieurs montages. Hein. C'est après en fait là ce qui va se passer c'est que le petit gamin là Jeff qui a fait le piratage. Ouais. Le fumeur. Et ben lui il s'est fait cramer par le FBI, ils vont le retrouver, il le sait pas. Et là t'as une scène qui m'a fait hurler de rire. Il est dans sa douche. Il chante dans sa douche. Il est dans sa douche avec son casque. Ouais. Et sa clope. Il siffle. Il sifflote. Il se douche tranquille. Il se sèche tranquille. Et là, il ouvre son rideau de douche. Et là, t'as 9 mecs du FBI. Freeze! Dans l'appartement. T'as déjà 100 mecs qui sont en train de tout fouiller. C'est-à-dire que le mec n'avait rien entendu. Et potentiellement, les types étaient là. Bon, on va attendre qu'ils sortent de sa douche quand même. Ça serait pas cool, quoi. Tu vois. Non, mais mets ta crème pour le corps, on te prendra après. Surtout que, tu sais, le gars, c'est un hacker, ils viennent avec des bazookas. Tu sais, oui, c'est ça. C'est ça qui m'a posé, c'est que dans ce film, dès qu'il faut arrêter un pirate informatique, il faut y aller avec le GIGN. En fait. Non, mais. Et c'est quand même un hacker de 14 ans, tu vois, il faut pas. Il est dangereux. Donc là, on est dans les caméos de partout parce que t'as le méchant, en fait, c'est le chef de la police, bah, c'est le gros black de The Wire. Ouais. La méchante, la meuf du hacker, c'est la psy dans Les Sopranos, pour ceux qui ont vu. Ouais. Et là, du coup, ils abordent le thème quand même qui est important. C'est le méchant hacker qui est au conseil d'administration de la société pétrolière parce qu'il est responsable de la sécurité. Oh, il a une double casquette meurtrière. Et là, il explique le problème devant tout le monde. Il fait, non, mais écoutez, messieurs, le problème, c'est les mots de passe de 3 lettres. Ah oui, il prend la nana. God, tout le monde peut rentrer si tu mets ton mot de passe en God, évidemment. Et ce qui est trop marrant, c'est qu'il sort de la réunion et il parle à sa meuf. Et direct, mais genre dans les couloirs de la société, genre il n'y a aucun bail, il fait « Ouais, non mais voilà, bon tu sais très bien que je les prends pour des cons, que c'est moi qui ai installé tout le virus, tu sais, bah, je sais pas, tu peux attendre d'être à la maison, sachant que tu vis avec elle, connard !» Non mais il faut expliquer là, pour le coup, parce qu'en fait, il monte un subterfuge. Vous avez... Ah non, on va pas l'expliquer. C'est toi qui veux l'expliquer, un subterfuge. Oh, merde. Non mais en fait, il fait croire que le gamin qui a voilà. Introduit en fait le système informatique, c'est lui qui a mis le virus. Voilà, il fait croire que le gamin a mis un virus très dangereux où il réclame une rançon et il menace en fait la société si la rançon est pas versée, il menace de faire couler les bateaux de la société et de créer une marée noire en fait. Mm. Sauf que le méchant explique que c'est lui finalement qui a mis le virus pour que le FBI aille arrêter le gamin et récupérer la disquette sur laquelle il y a des fichiers compromettants. Voilà. J'étais assez clair, non? C'est là, ça. C'est clair, là. Ah. Bah, moi, j'avais même envie de dire, ça tombe bien que le gosse, il ait fait sa connerie un jour avant, quoi. Ah, ça, parce c'est que... sûr. Bon, alors après, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils veulent récupérer la disquette. La disquette, c'est le Vénézuélien Léopard qu'il a. Ah oui? Non, c'est le gamin, c'est le fumeur qu'il a, il le planque sous son faux plafond. Oula. Ok. Non, mais il la récupère à un moment. Ah ouais? Parce que c'est lui qui va en taule aussi, quoi. Le hacker, le méchant hacker, il va voir le gentil hacker, là, le héros du film, le blond, je ne sais même plus comment il s'appelle. On va dire le blond. Il le menace, il fait « je suis sûr que c'est toi, nanana », alors qu'ils ont déjà arrêté l'autre, je ne sais pas plus pourquoi ils font ça. Ah si, il veut la disquette, c'est pour ça qu'il va le voir. Oui, il veut la disquette. Il lui dit « on n'a pas retrouvé la disquette ». Et ensuite, c'est la fête chez Kate, chez la meuf. Ouais. Et du coup, lui, il arrive en gilet fluo. Ça m'a vraiment fait marrer. Il arrive en roller avec un gilet de sécurité. Ouais. C'est vraiment stylé, quoi. Et là, il y a une musique de malade là, à ce moment-là. Une musique de malade. Et c'est là, ils vont tomber sur le PC de la meuf. Wow, vous avez vu ça? C'est démentiel. Elle a mis un modem 28 800 bps. Ah ouais? Affiche. Active la matrice. Putain, au moins 1 million de couleurs. J'ai jamais vu une bécane aussi performante. Oh, j'en veux. Bon, allez, pousse-toi maintenant, c'est à mon tour. Allez, dégage. Ah, ça doit pas être dégueu dans le noir. Ouais, éteins. Donc voilà, vous avez entendu le bruit que ça fait 1 million de couleurs. Ça fait un ultra gelo. Donc ils sont dans la chambre de la meuf et ils tombent sur son ordi. Voilà. Ouais. Donc ils éteignent la lumière. C'est l'ordi d'Angelina Jolie. Ouais, c'est ça. Ouais, normal, ils vont dessus, quoi, tu vois. Genre. Ouais, c'est à dire qu'il y a une grosse œuf à côté, mais ils préfèrent aller sur l'ordi dans la chambre. Alors c'est une hackeuse de dingue. Par contre, elle a pas de mot de passe, quoi. Et en fait, donc la lumière est éteinte et du coup elle les voit pas, alors que clairement elle les voit. C'est-à-dire que on voit tout le monde. Il y en a un, il est habillé avec un nuancier en fait. Il a un pull, il a toutes les couleurs qui existent. Il est fluo dans le noir, quoi. Il y a quelqu'un qui le voit pas, quoi. Donc elle voit pas, elle revient avec un mec et puis après elle se rend compte que les gars sont là parce qu'il y en a un qui dit un truc. Et du coup, il y a aucun malaise. Non, il y a pas de malaise. Mais attendez, qu'est-ce que vous foutez dans ma chambre à me regarder baiser depuis 20 minutes? Surtout si vous êtes sur mon ordi, quoi, tu vois. Et toi, c'est plus le fait d'être sur ton ordi qui te gênerait. Bah, c'est plus risqué quand même. Et du coup, elle revient et vu que ça parle d'ordi, elle dégage le mec et fait laisse tomber, on fera ça plus tard. on va plutôt parler RAM. Et là, elle parle de RAM. Genre, elle dit, ouais, j'ai remis de la RAM, j'ai mis 2 kilo-octets de RAM, comme ça. Mais t'as un PC i9000, ouais, ça multiplie par 6 les puissances de mon Pentium 2. Donc ça, c'est cette scène, elle est assez cool. Et là, il y a Montance dans les tours totales d'Angelina Jolie. Ouais. Parce que là, elle est pas contente parce qu'elle se rend compte que c'est Crash Override, le gars, et qu'elle, c'est Acid Burn. Ouais. Et là, ils vont faire un pari. En fait, c'est là qu'on apprend que finalement, le pirate informatique qui a défié au tout début quand il piratait le système télé, enfin de la télé, c'était Angelina Jolie. Oh. Bah putain, un sacré bol encore. Tu vois, il y a l'air d'avoir 3 hackers dans le pays, ils sont tous dans le même lycée. Il doit avoir un sacré bon... sacré bon prof d'informatique. Il doit être bon, le mec. Et du coup, ils décident de se faire une petite battle à deux. Et là, c'est le montage, ah, voilà. c'est le montage battle. Ouais. Et genre, s'il gagne, bon, genre, il y a une histoire de date ou je sais pas quoi, tu vois, ou d'esclave. Bah, en fait, si c'est le mec qui gagne, il file rencard à Angelina Jolie. Si c'est Angelina Jolie qui gagne, devient son esclave, ce qui va à peu près rien dire, quoi. S'il perd, c'est vraiment un esclave. Le mec, il est gêné après chez elle jusqu'à la fin de sa vie. Ou... Et donc, il commence à hacker. Hein, là, c'est montage. Ouais, alors là, c'est montage. Donc là, on voit genre le mec qui dégaine des disquettes de sa poche. Oui, ça m'a fait marrer. Oui, c'était marrant. Et alors, donc les trucs, c'est-à-dire qu'ils s'acharnent sur le mec du FBI qui les recherche. Ouais. Donc, ils vont, par exemple, vider son compte en banque. Ce qui est le truc le plus difficile à faire, ils le font en premier de manière trop facile. Ouais, en fait, qu'est-ce qui se passe quand t'as plus d'argent sur ta carte? Attends, ça c'est génial. Parce que... C'est hyper drôle. Il est au resto, en fait, sa carte passe plus parce qu'ils ont piraté son compte, le chef du FBI, hein, donc qui recherche les hackers. Et en fait, le serveur du restaurant arrive direct avec des ciseaux et lui découpe la carte devant le nez. Tu sais, il dit rien, le mec, c'est genre, excusez-moi, monsieur, votre carte elle marche pas. C'est direct, bam. C'est-à-dire qu'ils ont piraté le serveur parce que le mec, c'est ça. Sans aucune raison, il devient désagréable et il coupe la carte en l'humiliant, tu vois. Il lui fait manger presque. Voilà, surtout que c'est genre, en plus, c'est comme si c'est genre, c'est perdu, il me paiera jamais, autant couper sa carte. Bon, je veux pas réessayer une deuxième fois avec lui, quoi. Et alors, ils ont... potentiellement, c'est le chef du FBI qui peut être un super client qui vient tous les jours à prendre des menus de fou. Et puis alors. mais ça fait 9 ans que je viens ici, Serge. Rien à foutre, ta carte ne marche plus. Ah, dis donc, Thierry, t'as un bon serveur. C'est le patron. Dis donc, Thierry, t'as un bon serveur, mais t'as coupé la carte du président du FBI. Mais et après, ça. Donc voilà, ils hackent de partout, de cabines téléphoniques, toit d'immeuble, je ne sais pas comment ils disent. Non, mais ouais. C'est pas le toit d'immeuble, c'est le toit de l'Empire State Building. Ils sont tout en haut et ils hackent avec ils sont pendus dans le vide. Oui, parce qu'ils hackent partout. C'est dur à conjuguer. Ils hackent partout et tout le temps. Ça a été coupé dans le montage final, mais il hackait de. Il hackait d'une navette spatiale à un moment. Faut vraiment pas faire la liaison, les H. Et donc voilà, donc du coup, on sait pas qui c'est qui a gagné. Alors c'est trop marrant parce qu'ils font tout un truc avec les paris. C'est celui qui hack le mieux, hein, tout Mais non, en fait, ils sont tellement bons tous les deux que c'est ex-aequo. Donc et là, du coup, ils relancent un peu le bail, et là, il va quand même Il y a Ramon, Ramon en prison. Alors ça m'a fait trop marrer. Ah oui, c'est Ramon qui s'appelle le léopard vénézuélien. Ramon, ouais. C'est un truc qui ça m'a fait hurler de rire. Pour le coup, ça, j'ai trouvé ça assez le marrant. Léopard vénézuélien. Il est stressé parce que j'ai du mal à dire vénézuélien aussi. Il vénézuélien, vas-y, dis-le. Et ça m'a fait marrer parce que lui, il est stressé parce qu'il a la disquette et il flippe trop qu'on l'ait suivi. Et en fait, il rêve que, en fait, en gros, il y a tout le FBI qui arrive chez lui. Et là, il se fait catcher par le FBI. Et là, en fait, il se réveille. C'était un rêve en réalité. Et là, t'as tout le FBI qui arrive chez lui. Et j'ai trouvé ça complètement inutile. Mais ça m'a fait trop marrer. Et surtout, là encore, c'est pareil. Il se réveille dans son lit. Ah ouf, ça n'était qu'un rêve. Il n'y a absolument personne. Et d'un seul coup, t'as 9 mecs qui arrivent en cassant la fenêtre, la porte des deux côtés. Tu sais, genre, ils s'étaient synchronisés. Le mec, il est pas armé. Et c'est un trans vénézuélien. Il avait pas l'air hyper dangereux non plus, quoi. En tout cas, je crois qu'après ça, le skater, il flippe un peu et du coup, il envoie un laptop au blond. Et il le menace. Il y a une petite matrix parce qu'il lui envoie par courrier. Ouais. Il lui envoie un ordinateur par courrier. Il lui envoie l'ordinateur par courrier. Et ce qui est marrant, c'est que tu sais, il a fait une vidéo, mais qui est ultra psyché. Genre, c'est-à-dire, je l'imagine avec le service montage. Et là, je vais me déformer la tête. Là, je vais une voix de robot. Après, je vais mettre des images de cow-boy en incrusté en image subliminale. Et ça, c'est juste pour dire aux gars. Non, mais mec, ça craint ce que tu fais. Il y a un truc, je te jure, il avait des images derrière. Alors que la scène d'avant, il a sonné chez lui. Potentiellement, il habite en face. Mais là, il fait, vas-y, c'est possible, là, tu me fais dézoomer sur ma tête. Ouais, je peux faire ça, mais c'est un peu long. Non, mais j'ai envie de le faire quand même. Okay. Et là, tu mets la voix de robot à ce moment-là. Et tu lui rends visite une première fois. Ouais. Tu sais, il regarde et tout la vidéo, il fait « Ah, c'est canon ce qu'on va lui envoyer. » Il a flippé. Ah, c'est sûr. « Wow, ma tête, elle tournoie, il va craquer. » Donc ça n'a aucun sens. Et là, il y a la scène… Surtout qu'il lui file un ordinateur gratuit, du coup. À l'époque, ça coûtait 13 000 dollars, quoi. Du coup, il y a cette fameuse scène dans la ruelle. Donc, il l'attend. C'est la ruelle fumante de nuit. Il arrive en skate, le gars. Il arrive en skate, mais accroché à une voiture, en fait. Ouais, il arrive en skate, accroché à la voiture. Mmh. Le méchant, qui est, je rappelle, le man de 2 heures à la une. Donc, il est ridicule. Mmh. Et 2 heures à la une, demain à la une. Et il chope la casquette, il chope la disquette en passant, tu sais, sans même s'arrêter. Il fait, il la prend, il vérifie pas que c'est la bonne. Hein. Et ensuite, il monte dans la bagnole et il y a un plan de coupe. Franchement, je suis sûr qu'il s'est pété la gueule. Parce que ça coupe vraiment juste. Et tu sais, il est censé un peu ouvrir la porte et tu sens qu'il va se péter la tête. En plus, c'est mouillé et tout. C'est physiquement impossible de remonter dans la caisse en accrochant son skate. Non, mais il a fait le tout le trajet comme ça. 200 km. Hein. Et donc là, ils sont niqués, c'est la préparation de la contre-attaque. Ouais, alors c'est un peu un montage numéro 2. Et moi, ce qui m'a un peu surpris, en fait, c'est que, bon, bah, il code. Bon, ça, c'est pareil, il y a toujours des équations sur les écrans. Il et code des tout trucs. Seul, d'ailleurs, là, tous les autres hackers, ils foutent plus rien. Ouais, et en plus, ils impriment le code. C'est qu'à chaque fois, ils posent des bouts des espèces de tonnes de papier où il y a des 1 et des 0 dessus. C'est genre, oh, attends, on reprend la page 42 où il y a 1 et un 0. Bah là, il se passe un truc. Je trouvais ça un peu bizarre. Et ils vont aller voir les hackers de la télévision, les hackers chinois. Et les hackers chinois, ouais. Parce que qu'on le bras long, parce qu'ils vont du coup ils vont mettre dans le coup des hackers du monde entier. Ouais. Il y a un montage monde entier. Il y a un montage monde entier. Ouais. Et alors les hackers chinois, c'est ceux qui sont en boîte de nuit. Ils sont en boîte de nuit. Ouais, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, moi je m'attendais vraiment parce que ce qu'il y a de l'extasie un moment dans ce film, il y en a pas quoi. Parce que c'est vraiment. Il y a Rage Against the Machine qui joue d'ailleurs. Non, c'est pas eux. C'est pas eux. Non, c'est pas eux. Mais c'est pas mal d'ailleurs, ça ressemble effectivement. Ouais, ça ressemble, bien sûr que si. C'est le chanteur est black, visiblement. C'est Good Grief qu'on entend à ce moment-là. Je vous jure que c'est Rage. C'est Rage ? Non. Putain, je prends vraiment des risques parce que si c'est pas ça, j'ai l'air trop con. J'en suis quasiment sûr. Oh, si tu veux, si mais bon, tu veux. Mais bon. Dites-le nous si des gens ont vu le film. Je pense qu'il doit y avoir peut-être trois auditeurs. Dites-le nous. Vu le nombre de fois où je me gaufre de toute façon pendant ce podcast, je m'en fous, je vais être sûr que c'est eux. Et donc là, pareil, il y a tout un bail pour les retrouver, tout le monde. Attends, j'ai Zach De La Rocha là au téléphone, là. Il me dit que non. Hein. C'est pas lui. Il dit que d'ailleurs que ce film est une merde, qu'il a pas voulu jouer dedans. Non, mais par contre, attends, en vrai, il y a beaucoup de musique de merde des années 95. Il y a des Prodigy quand même. Des années 95. T'as deux Prodigy. Ouais. Non, il y en a qu'un. T'as Voodoo Child et Joe Love. Non, j'en suis sûr. Vrai, et t'as des gros trucs, t'as du Carl Cox et tout. Non, parce que là, pour le coup, je me suis fait chier, j'ai regardé le truc. Et là ensuite ça va être parti, c'est le grand hacking. Et comment on se débarrasse de la police? En piratant les feux rouges. Ah ouais, bah oui. Parce que c'est marrant, plutôt que de les mettre tous au rouge, tu vois, pour pas que les gens cartonnent, ils mettent tout au vert, du coup, comme ça, ils tuent des gens. Mais bon, c'est plus cool, quoi. Et surtout, c'est hyper dangereux parce que leur but, c'est quand même de tracer en roller. Bah, ouf, c'est hyper dangereux. Ah ouais, il vaudra mieux mettre tout au rouge, quoi. Et là, donc, du coup, ils arrivent à Grande Centrale et ils vont lancer leur attaque. Vous allez envoyer des virus pour brouiller les pistes, comme ça on pourra pénétrer le fichier de la peste et copier le programme du verre. C'est con, il y avait qu'à faire baisser la tension d'alimentation. C'est réel. Ouais. Va préparer le téléphone. Bien mon commandant. T'as un autre coupleur? Super. Joey, viens par ici. Quoi? Moi? Joey, tu vas prendre la cabine qui est là. C'est réel. Fais ce qu'on te dit. Prends le coupleur et vas-y. Prêt? Oui. J'envoie la sauce. Là, on sent que ça rentre dans le serious hacking, quoi. Et putain. Bah voilà, donc moi, je sais pas si vous avez déjà lancé Word. Moi, c'est les bruits que ça fait. Hein. Je commence à taper. Tu lances ton terminal, ça fait ça. Donc là, voilà, ils sont dans des cabines téléphoniques à la gare Grande Centrale. Et là, c'est l'attaque de hacking la plus drôle du monde, quoi. Enfin, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ouais, on est passé aussi très rapidement. On est aussi passé à côté d'un échec et mat, parce qu'à un moment ils sont en train de jouer aux échecs et centrales. Ah oui, c'est marrant. Parce qu'à un moment ils se séparent justement parce qu'il y en a qui vont, je sais plus où ils vont d'ailleurs, ils se séparent. Et il y en a deux qui se sont dit tiens, on va aller jouer aux échecs avec des juifs. C'est à Central Park effectivement. Puis ils les rappellent pour revenir à Grand Central. Ouais, je pensais vraiment qu'il allait faire échec et mat et qu'il allait se barrer. Bah, mais non, il déplace son pion et il le regarde en faisant un clin d'œil genre j'ai gagné. Ouais, comme d'hab. Ça veut dire qu'il attendait pour gagner parce qu'il fallait qu'il attendait le feu vert. Enfin bon bref, c'est trop con. Et là, en fait, il y a un truc qui m'a fait hurler de rire, c'était... Il y a un moment, donc, il commence le hacking, et tu sais, sur son écran, on voit cette espèce de Star Wars, tu sais, jeu d'avion. Ouais, ouais. Et moi, j'ai limite cru que la meuf, elle allait faire... Non, mais mec, c'est pas le moment de jouer à l'avion, là. On est censé faire du hacking. Et là, l'attaque, c'est à pisser de rire. Parce qu'en fait, ils sont... Ça, du coup, là, on est du côté des méchants, parce que c'est le méchant qui se fait hacker. Ouais. Et d'un seul coup, sur son écran... T'as plein de cookies qui apparaissent et t'as le cookie monster qui mange des cookies. Ouais. Oui. Et là, ils font « Oh putain, on se fait attaquer par le cookie monster !» et là, le méchant, il fait « Ok, vas-y, tape cookie !» Ah, c'est comme ça qu'on fait. Et attends, ensuite, du coup, le cookie monster, c'est un des hackers qui a fait ça. Hop, il s'est fait bâcher parce qu'il suffisait de taper cookie. Et du coup, l'autre, il fait « Attaque !» Avec des joysticks, c'est pas si facile. Hein, pas de dire. Et après, l'autre, il fait « Attaque !» Et là, t'as un lapin qui arrive. Et là, l'autre, il fait « Oh non, merde, c'est lapin, comment on va faire ?» Ok, il faudrait lui donner la grippe. Et il tape sur son clavier des trucs, genre... Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est non, pas du tout du hacking, ça n'a aucun sens. La battle de hacking n'a aucun sens, en effet. Et d'ailleurs, enfin, vous avez des trucs à dire encore là-dessus ou pas? Non, parce qu'à la fin, l'ordi explose quand même, à la fin du hacking. Quoi, donc, c'était quand même un peu... C'était du serious hacking, quoi. Là, c'est du serious business. Pareil, tu sais, genre, je sais pas, ils sont à Grande Centrale, et donc le fait d'avoir changé tous les feux rouges, bah les flics ils mettent vachement de temps parce qu'il y a du trafic. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de flics à la gare. Tu vois, on peut pas appeler les flics de la gare pour y aller. Et bon bref, à la fin, ils sont tous arrêtés par le FBI. La première fois qu'ils essayent de les arrêter, en fait, ils ont quitté leur téléphone. Ils sont allés sur d'autres téléphones ou pas? Parce qu'en fait, il y a des... Non, en fait, je pense qu'ils avaient détourné les lignes, en fait. Pour que les flics arrivent là. D'accord. Oh, malin. Je semble. Hein. Malin, ouais. Malin. Smart, malin. Smart malin. Move. Et donc du coup, t'as le déglingo. Bah lui, il s'est pas fait arrêter. Il a retrouvé la disquette. Et il pirate encore une fois la chaîne de télé. Oui, parce que la disquette avait été copiée, en fait, on l'a oublié de le préciser. Et là, il explique devant toutes les chaînes de télé, des bails incompréhensibles. Oui, mais vraiment, mais même nous, on a vu le film. Même nous qu'on a vu le film. Même nous qu'on domine. Même nous qu'on a vu le film, on sait c'est qui hack. On sait c'est qui domine. Et là, genre là, incompréhensible, ça dure une minute. Et là, ils se font relâcher du FBI, ça revient Vanille. C'est clair, les flics, ils font pas de contre-enquête. En fait, c'est genre, ils voient la vidéo, fait ah bon ? Bah, mais on s'est complètement planté. Tu sais, genre, ah, désolé, et ils leur enlèvent les menottes. Ça a trop bas sens. Zéro contre-enquête. Et à la fin, piscine, sexe, Angelina Jolie, type de fin, quoi. Alors, pour l'anecdote, ils ont passé 4 ans de leur vie ensemble, ces deux-là. En fait, à l'issue du film, ils se sont mariés. Qui ? Le blond ? Bah ouais, le blond, c'est Angelina Jolie. Non, le blond, le acteur principal. Ah ouais, je sais pas comment il s'appelle, redis-moi, Antoine. C'est le mec de Trainspotting, là. C'est Johnny Lee Miller. Ah, il joue dans Trainspotting, ouais, d'accord. Et ça aurait pu être Edward Norton, parce qu'apparemment, il a passé le casting pour ce film. Bah, pour le premier rôle. Moi, franchement, j'aurais trop aimé Neo avec des longs manteaux de cuir et tout. Et remplacer le Vénézuélien par Morpheus. En fait, j'aimerais bien inverser les deux castings et revoir le film. Parce que tu regardes Matrix avec leur casting à eux, je pense que c'est marrant aussi. Quoi. En tout cas, on a appris pas mal de choses, hein, sur le hacking avec ce film. Hein. C'était. Ah ouais. Bah, moi, je vous cache pas qu'en fait, c'est petit, j'ai vu ce film et je me suis dit, il faut que je fasse des études d'informatique. Ah bah ouais, moi aussi. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? C'est de la merde. C'est ça. Ouais, c'était vraiment à chier, quoi. Ah, c'était vraiment nul. C'était notre avis sur le film, c'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion, n'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Ouais, alors boulot monstrueux, hein, pour la cœur, parce qu'il y avait 12 commentaires 5 étoiles. 13 si on compte Amazon, il y en avait un sur Amazon. J'en ai quand même sélectionné 4. Vas-y. Alors, on a Antoine Le Guen qui nous dit. C'est toujours risqué, hein, prénom non, hein, pour ceux qui nous écoutent. Qui a laissé des commentaires, c'est toujours très risqué de laisser ses... Tu sais que j'en ai un qui a laissé sa photo même. Hein. Il a laissé son adresse. Comme ça, on va pouvoir l'inviter. Alors, il dit... Alors, déjà, il commence par dire un film prophétique. Ah, oui. Ouais, vous avez bien entendu, prophétique. Qui prend tout son sens aujourd'hui. Petit bijou du genre, c'est un vrai manifeste. À prendre en cure au moins une fois par an. 5 étoiles. Oh là là là là. Il se le tape une fois par an, le gars. Bah, visiblement, oui. Hein. Oh. On a Quent qui nous dit. Depuis 95. Attendez, il faut lui dire. Le mec l'a vu 20 fois. On a Quent qui nous dit. J'ai trouvé ce film particulièrement intéressant, car tout d'abord, il montre bien l'aspect mystérieux de l'informatique, notamment avec le piratage. De plus, c'est l'un des premiers rôles d'Angelina Jolie qui s'en sort vraiment très bien. 5 étoiles. Putain, n'importe quoi. Ouais. Didier G qui lui dit il est vrai que c'est un film d'action plus qu'autre chose car même les hackers les plus forts ne peuvent atteindre les noyaux des systèmes d'État les plus sécurisés. N'importe quoi. Comment le mec il peut tenir un propos sérieux en parlant de ce film, tu sais. Il ajoute mais cela fait réfléchir à ce qui peut arriver sur nos petits ordinateurs sans protection. Un conseil simple. Munissez-vous d'une protection pour votre ordinateur. Je vous conseille l'antivirus. Vous pouvez commander par Western Union. Et enfin, on a un visiteur qui lui dit bah, vous êtes vraiment naze, les mecs. Ce film est un film culte des années 90. La preuve, selon une étude américaine, après la sortie en salle de ce film, les ventes de PC ont quasiment quadruplé. C'est quasi exponentiel. Alors un peu de respect pour Len qui a vraiment été le premier à se lancer dans ce genre de film. 5 étoiles. C'est-à-dire que le mec il a regardé la sortie du film, les premières semaines, et il a regardé les ventes de PC de 1995. Et il a fait il y a quelque chose. Il y a sûrement un lien. Les tocards. Wouh. Donc voilà, ça c'est du bon 1995. Donc pour ceux qui aiment ce genre de musique, qui aiment... Ça revient à la mode, hein, pas de chance. Attends, non, tu sais que j'y ai pensé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la mode ultime, c'est... les 80. On est pile poil entre Scarface et... on est pile poil au... Tu vois, je pense fin 80. Ouais. Et à mon avis, dans 5-6 ans, c'est et ça. Il y a plein qui refont ça, des trucs de gabber et tout. Non, non, mais par non, contre, mais... les voix, faut pas les faire pareil, hein. Faut falloir changer. Hein. Si vous refaites si vous faites de la musique. Même en vestimentaire, je suis sûr que les mecs, ils vont commencer à se réhabiller comme là, comme les déglingos, venir, machin. Oui, parce que là, pour vrai, l'instant, on est encore sur des bails drive et tout, quoi. Mais un petit coup le Twitter, ça fait longtemps qu'on a pas parlé du Twitter. Ouais. Ah oui, ça fait longtemps aussi qu'on a pas parlé du chapeau, donc si vous voulez mettre des films dans le chapeau, c'est le moment. Ouais. Donc sur iTunes, sur voilà. iTunes, vous mettez un petit commentaire, 5 étoiles. 5 étoiles parce que moi, ça me fait chier de mettre mon chapeau. Et voilà. Et le Twitter, c'est @2_HDP. Voilà. Ah oui, pour le chapeau, quand vous mettez un film, regardez s'il est pas déjà dedans, parce qu'il y a un mec qui a proposé Souviens-toi l'été dernier et il était déjà dans le chapeau.